Titi et bébé. Oh, trop classe. Trop classe, quoi. Ça va? Ça va? Allez, on a un petit. Allez, allez. Oh, mais c'est Ginette aux grosses loches. Elle est bien mosse, mais je l'ai dans la poche. Oh, le demi est déjà servi. Je vois mes demi cerveaux, comment ça va? Ça vaut mon demi en fin cul sec. 7h30, c'est l'heure d'un petit sel. Poisson, eh ouais. T'as pas de la monnaie? Eh non, t'es un crédit, fais comme moi, je suis assez. Mon verre aussi, merci. J'suis taille, sa mère, reste assis. J'marque mon territoire à la gitane. J'fais que de boire, faut que j'ouvre les vannes. J'me mets à l'envers, resserre mon verre. Sous la vie de ma mère, sans bien que j'ai fait cher. Ah non, faux salaire. Oh, oh, oh. On est les hyperstars du bar, t'as pas, ouais. On se la fout, les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout, on est les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout, les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout, on se la fout. Comment Didier, on va boire un coup au bar tabac, à la brasserie ou même chez moi, n'importe où je m'en vais, tant que je me la fous. À la vodka, comme Malibu. Mais surtout pas au rhum, mec, sinon je deviens fou. Ce gros derrière le bar, avec le pif rouge, je me demande bien ce qu'elle a zéti. Bien deux, trois tés de rouge avec les poivrons qui sont là. Didier, Roger, j'en parle, y'a même le chat du trompa. Car pas l'air très sympa, je suis pas patron du PME. Je préfère le PMU, moi le Ricard je l'apprécie. Avec deux, trois skies dessus, 7h30 tout le monde détaille. À la rebut de caray, et moi dans mon cerveau, I believe I can fly. Oh, on est les superstars du bar tabac, ouais. Qu'on se la fout, les superstars du bar tabac, ouais. La fou. On est les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout. Les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout. On se la fout. On est les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout. Les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout. On est les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout. Les superstars du bar tabac, ouais. On se la fout. On se la fout.